10 minutes de méditation tous les soirs avec l'appli Petit Bambou. Depuis 6 mois, Ludo s'y tient. Et maintenant, c'est Adrien, son fils, qui lui réclame quand il a du mal à s'endormir. Tout est plus serein. Tout est plus doux. Petit Bambou est l'appli idéale pour s'initier à la méditation pour les parents et les enfants. À télécharger sur App Store ou Google Play. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous bonne ou mauvaise réputation ? La question rend fou, car hormis les égos tripants pour qui l'essentiel est qu'ils sachent que l'on parle d'eux, en bon ou mauvais termes, c'est la réputation qui rend fou. Mais quelle différence entre la réputation et la popularité ? Et entre la popularité et la célébrité ? La philosophe Gloria Origi est avec nous en studio pour vous répondre. Vous faites partie de ceux qui osent. Vous arrivez à voir ça uniquement en voyant ? Non, d'après votre bilan de popularité. Si on regarde en détail la courbe de vos chiffres, vous jouissez d'une belle notoriété, avec une évolution forte. Voyons vos dernières 24 heures. Vous voyez, même si... Dites donc, 8h40, bravo, vous travaillez dur sur vos relations. Très joli pic de notes maximales. Oui. Un ou deux flops aussi, vous avez eu un petit accrochage avec quelqu'un ? Oh, rien qu'un couac au boulot, rien de grave. D'accord. On va vérifier votre sphère d'influence, si vous le voulez bien. Très beau cercle extrinsèque. Des inconnus vous suivent, c'est un plus. Votre cercle privé est plutôt sain. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. On est loin du compte. Mais 4.5 est tout à fait envisageable. Et d'après vous, ce serait long ? Pour atteindre cette note ? Oh, mis à part un renversement de situation provoqué par une éventuelle humiliation publique, je dirais 18 mois environ. Donc, en termes de qualité, il y a moyen de booster votre profil. L'idéal serait d'être bien noté par des profils vraiment haut de gamme. Des profils haut de gamme ? Les influenceurs. Impressionnez ces gens hautement qualifiés, vous gagnerez rapidement des points. Il est là votre coup de pouce. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dreads ou une crête sur la tête pour être un rebelle. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Bonjour Gloria Origi. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS et l'auteur d'un ouvrage intitulé « La réputation, qui dit quoi de qui ?» publié aux éditions PUF en 2015. Nous avons passé la semaine à nous interroger sur le populaire, la popularité, tenter de la définir en remontant à la notion même de peuple. L'extrait de la série Black Mirror que nous venons d'entendre nous donne un indice sur ce que serait devenu la popularité aujourd'hui. C'est en fait une affaire d'algorithme. Ah bah exactement, enfin si vous voulez, ce qui est intéressant c'est que la popularité est devenue une mesure. Je sais pas, j'imagine que pour penser, organiser cette émission, vous avez fait comme premier geste, comme nous tous aujourd'hui, vous êtes allé sur Google, vous avez fait popularité et voir, et regarder les réponses. Non, si les premières 10 réponses, c'est des sites de... plus ou moins web management, disons de sites qui donnent des conseils sur les algorithmes, comment ils marchent, comment les un peu comment les faire aller dans le bon sens pour nous, etc. qui utilisent le mot popularité. Donc, si vous voulez, la popularité est un concept, on pourrait dire, qui a toujours existé, mais aujourd'hui est une mesure, et une mesure algorithmique. Et ça, si vous voulez, c'est un gros changement de paradigme. Un gros changement de paradigme sur la gestion non seulement de notre image, mais sur la gestion de l'information, sur la gestion de nos connaissances. C'était les deux fondateurs de Google, Brin et Page, Sergey Brin et Larry Page, qui disent, bon, écoutez, les contenus d'une information, la valeur d'une personne ou les contenus de l'information, c'est quelque chose que on n'est pas capable de mesurer avec un algorithme. Un humain sera toujours meilleur à le mesurer. Tandis qu'un algorithme, qu'est-ce qu'il peut mesurer? Pour arriver à une espèce de mesure indirecte de la qualité de quelqu'un, il peut mesurer sa popularité. Et c'était comment, et c'est l'algorithme de Google qui vient créer, c'est en allant regarder combien de liens pointent vers ce morceau d'information. Donc la popularité devient d'une mesure un peu comme ça, intuitive, oui, les gens m'aiment, les gens m'aiment pas, se transforme en une mesure quantifiable, une quantité. Et ça, ça a été, et à partir de ça, on a un changement de paradigme, moi je dirais fondamental. C'est les choses qui changent vraiment notre rapport à la réalité. Et tout bascule, enfin, tout ce qui est impact, popularité, influence, etc., aujourd'hui, c'est des mesures. Oui, donc, ce sont des mesures, c'est-à-dire qu'il y a un indice numérique, même un indice, vous l'avez dit, quantifiable, mais pas seulement. Dans la notion de popularité, telle notamment qu'elle était mise en scène dans l'extrait qu'on a entendu qui a ouvert cette émission, où on note les gens en fonction de ce qu'on apprécie chez eux ou pas, il y a la dimension de qualité. Il ne faut pas simplement être vu le plus de nombreux fois possible sur Google, il faut être apprécié. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Ah bah, la popularité est une notion positionnelle. C'est ça, pas qu'une affaire de chiffres. C'est une notion positionnelle, ça bouge nos positions. C'est notre façon, il y a cet aspect de la vie sociale, enfin on décrit, disons, la vie sociale dans beaucoup de sciences sociales comme plus ou moins beaucoup une affaire d'échange entre pairs, surtout, disons, les paradigmes, disons, de la modernité et après des sociétés démocratiques, c'est des échanges entre pairs, mais en fait, la société, c'est une question positionnelle. Dans un chapitre de mon livre, enfin, un chapitre que j'appelle Homo comparativus, enfin, l'homme comparatif, j'ai introduit cette espèce de figure philosophique, ce personnage, enfin, qui est l'homme comparatif, enfin, nous sommes toujours dans des positions par rapport aux autres, enfin, et la popularité est une façon de récalculer nos positions à chaque geste. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui peut me tuer demain ou me faire monter dans ma réputation. Vous voyez, donc c'est une question de positionnement. C'est des relations de positionnement. Et de jugement. Les jugements sont des jugements pourquoi on juge les autres? Pourquoi, par exemple, on les juge bien? On devrait toujours les juger mal. Comme ça, on se sent mieux, non? Pourquoi on les juge bien? C'est très intéressant. Pourquoi les gens font des actes de fanatisme, de déférence? Ils applaudissent tous. Moi, j'étais toujours surprise de ça. Pourquoi les gens font des actes de déférence? C'est coûteux. Ça sert à rien. On gagne rien. Enfin, je veux dire, pourquoi? Parce que justement, c'est vraiment une relation profonde qui donne sens à notre vie sociale, c'est le positionnement réciproque. Et donc, ce n'est pas seulement monter nous-mêmes, mais faire monter les autres et, disons, nous positionner dans une espèce de complexe, disons, tissu des relations des uns par rapport aux autres. Donc, si vous voulez, c'est une mesure, c'est ce qui est intéressant pour résumer. La popularité aujourd'hui, si vous voulez, est quantifiable. Mm-hmm. Et donc, on utilise énormément des mesures de popularité. Sur les réseaux, par exemple, c'est par ça, exemple, le nombre sur les de réseaux, likes enfin, de ouais, mais bien sûr, tout ça, mais les likes, mais enfin, les algorithmes qui vous permettent de positionner, par exemple, un site par rapport à l'autre dans une recherche, ce qui est encore plus important pour les entreprises, dans les universités, dans les outils de le prestige académique est quantifiable. Nous avons nous-mêmes une mesure qui est l'impact. Qu'est-ce que l'impact? Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'impact? Ça veut dire pas se cogner contre un autre. Ça veut dire combien de fois vos travaux sont cités dans les œuvres des autres, dans les ouvrages des autres. Donc ça suffit pas de publier un même livre et venir. Ah bah bien sûr. Ça suffit pas de publier un livre et venir en parler chez France Culture. Si personne après ne cite ce livre dans ses propres ouvrages, et plus la personne qui le cite est une personne qui a bonne réputation, plus mon impact augmentera. Vous voyez pourquoi Black Mirror est si... Cet épisode de Black Mirror, moi, je l'avais trouvé passionnant. Je l'utilise pas mal dans mes cours parce que d'abord, c'est un peu une dystopie du futur qui fait peur. Mais moi, je pense qu'on est déjà dedans. On est déjà complètement à dedans. À l'écoute de l'extrait, quand on ne connaît pas la suite de l'extrait, on se dit que c'est quelque chose de tout à fait réel. Ouais, on est déjà complètement dedans. On passe quand même notre vie à évaluer le chauffeur, le livreur, le fait, etc. Pour des raisons qui sont des raisons... ce que j'essaie d'expliquer dans mon travail, c'est des raisons cognitives profondes. Ça nous permet d'épargner du temps. Enfin, ça nous fait gagner du temps. Si je vais savoir la qualité de cette émission, l'information sociale autour de cette émission, ça me donnera quelques informations. Si vous voulez savoir la qualité réalité de mon propre travail, bah, l'information, disons, justement, tous les réseaux réputationnels qui créent la popularité de ce livre, le fait que, par exemple, il a été traduit en un certain nombre de langues, ou bien que je suis passé dans d'autres émissions, que ça vous informe, dans un monde où il y a trop d'informations, ce qu'on appelle, moi j'appelle une société à forte densité informationnelle. Ça, c'est des outils qui nous servent pour trier l'information. Donc, on le fait, on a des raisons, disons, profondes, économiques et cognitives pour les utiliser. Enfin, on n'est pas tout simplement dans le... Voilà, on a perdu la raison, on ne regarde plus l'authenticité et on regarde que la popularité des choses. La popularité, ça nous informe. Alors, ça nous informe de quoi ? Ça nous informe de la qualité. De la qualité, vraiment ? Par rapport à des... Oui. Parce que dans ce cas, le nombre de vidéos vues sur YouTube, les centaines de millions de fois qu'a été vu tel clip d'une chanson qui, par ailleurs, musicalement, n'est pas très bonne... Mais aucun algorithme est fait seulement avec les... Et trompeur. D'abord, je vous rassure, les algorithmes sont très cons, mais pas si cons que ça. Enfin, aucun algorithme n'est fait que seulement avec les 5 millions de likes. Aucun algorithme est fait comme ça. Donc, les 5 millions de likes sont visibles, et ça, c'est un des grands usages. Surtout, vous avez parlé de populisme dans cette émission, des nouvelles mesures de popularité par les populismes, en donnant une illusion de contrôle aux gens qu'ils n'ont pas. Donc les gens pensent, ouais, j'ai eu 200 likes, donc je suis populaire. Non, vous n'êtes pas populaire, vous n'existez pas, parce que si vous avez, par exemple, posté des conneries, il y aura des façons, par exemple, de vous baisser. Les algorithmes sont plus compliqués que ça. Disons, donc... C'est-à-dire que les algorithmes ne reflètent pas forcément le jugement des autres personnes sur soi. Ça, c'est un des paramètres sur 50 paramètres. Les paramètres qui vous informent le plus, c'est qui parle de vous. Ça veut dire qui parle de vous, c'est très important. Et ça, c'est très important de l'apprendre, d'apprendre ces différences entre autorité ou popularité, influence, impact. Le sous-titre, d'ailleurs, trouvé par mon éditrice, c'est pas ma mérite, qui est très bien de mon livre, ça s'appelle La Réputation, qui dit quoi de qui. Et qui dit quoi de qui est très important, qui. Le premier qui dit quoi de qui. Ça veut dire, si vous parlez de moi dans l'émission de France Culture où on est maintenant, c'est beaucoup plus important que si mon neveu parle de moi sur sa page Facebook à Milan parce que je lui ai fait un gâteau pour l'anniversaire super. Enfin, ça fait une différence parce que votre popularité est différente. Tout ça, ça se cumule, voyez. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc là aussi, faire parler de soi, attention, faire parler qui de soi. Faites attention à ça. Enfin, vous dites faites attention, vous pensez qu'il y a un danger derrière ça, derrière la... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de naïveté et beaucoup de manipulation. Si vous voulez, du point de vue, et beaucoup d'ignorance. Enfin, moi j'ai écrit un article dernièrement pour un journal anglais qui s'appelait L'âge de la réputation. Moi, j'aurais envie d'écrire un article qui s'appelle L'âge de la pierre, enfin de la réputation. Enfin, on utilise ces outils d'une façon mais vraiment sauvage, primitive. On se les lance en tête, on essaie de détruire les réputations des autres, etc. Et tout ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu primitif. Enfin, on n'a pas les outils. Lorsque vous dites, on fait attention, bien sûr. Enfin, les populismes utilisent les nouveaux outils de popularité pour les manipuler. Par exemple, en créant une illusion de contrôle. Les gens pensent d'avoir un contrôle sur l'information parce qu'ils retweetent et parce qu'ils écrivent un commentaire sur un post Facebook. Ils ont zéro contrôle de l'information à travers ça. Ils ont zéro contrôle. Je le répète ici. Vous avez zéro contrôle de l'information si vous retweetez à Monsieur Macron avec, vous avez accès à son compte Twitter et donc zéro. Parce que, justement, ce qui compte, c'est justement combien de gens vont retweeter votre tweet, et donc le mécanisme, si vous voulez, est plus compliqué. Donc c'est l'illusion de contrôle, que d'avoir un contrôle sur sa propre popularité, parce qu'on s'adresse, qui est très, très, très exploité par les populismes aujourd'hui. Enfin, les populismes ont trouvé une machine à outils de production, de nouvelle production de formes de popularité, qui est très utilisée d'une façon très naïve par les usagers, qui sont très contents de pouvoir justement de croire de pouvoir interpeller directement quelqu'un, par exemple. Voilà, et c'est pas vrai. Ils sont pas en train de comme c'est une illusion de contrôle enfin c'est ils ont zéro pouvoir enfin, enfin ils sont cela manipulés dit si, sur les réseaux sociaux bien sûr non c'est les autres ils laissent un pouvoir aux autres de contrôler leur comportement dans le futur en faisant ça oui ça, voilà. Alors, vous avez dit, c'est, en parlant de la réputation, qu'il y avait un instinct primitif. Ouais. Et précisément, on va remonter dans l'histoire même de la pensée et pour voir jusqu'à quel point cette notion-là n'a rien de contemporain. On va aussi distinguer ensemble popularité et réputation. Oui. C'est pas la même chose. Mais avant ouais. ça, Gloria Origi, je vous propose qu'on tende l'oreille vers une femme qui elle-même était en son temps une star et qui, lorsqu'elle est interrogée sur sa célébrité, eh bien, ne ménage pas son langage. Écoutez, c'était en 1974, Romy Schneider. On vous croit assez facilement distante et un peu mystérieuse, un peu comme les stars. Est-ce que cette étiquette vous gêne quand on vous colle l'étiquette de star ? Ça ne me gêne pas, mais ça m'emmerde, ce mot. Mais vous, est-ce que vous avez conscience d'être une star ? Non, je ne suis pas. Pas du tout. Comment ça n'existe plus. Chez nous, en Europe, de toute façon, je pense que ça n'existe plus. En Amérique, oui. Comment expliquez-vous qu'on vous aborde alors avec une certaine appréhension ? C'est-à-dire qu'on vient vous voir un peu sur la pointe des pieds. Tous les gens qui sont autour de vous sur le plateau vous approchent tout doucement. Mais je ne sais pas, nous sommes... Il y a des gens qui sont des amis, je suis amie, et eux sont des amis, et on a du respect. Ça n'existe plus, dit Romy Schneider sur le Star System en 1974, Gloria Origi. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait sourire. Bah, si vous voulez, moi je vois ce qu'elle veut dire. Le star system, c'est un système de qui va avec l'invention de la naissance de Hollywood. Mm. Et donc Romy Schneider est très loin de tout ça, de ce monde, disons, de fabrication de la célébrité, qui allait avec toute une série de, disons, des techniques, des distances, et aussi des, si vous voulez, les stars à l'époque, c'était vraiment les premières, enfin, à Hollywood, dans les années 20. Enfin, il y a les stars les grandes stars du cinéma muet. Ouais. Enfin, les années 20, c'était vraiment détaché du monde du réel. C'était des stars dans ce sens d'être des étoiles, dans le sens que ils sortaient cette espèce de double vie sur l'écran, qui était la première fois que c'était possible. C'était possible pour la première fois de se créer cette espèce d'avatar, voilà, bidimensionnel, et qui prenait la place de la personne. Cette double vie créée en sentiment de distance infinie. Donc je pense qu'elle fait référence en 74 aussi. Cette personne est une personne qui ne se sent pas à cette distance. Elle dit tout de suite, enfin, elle raccourcit, disons, les distances tout de suite. Elle dit, mais j'ai des amis parmi de ces gens-là. C'est pas que tout le monde garde les distances. Enfin, c'est, donc elle se sent beaucoup plus immergée. Donc, le star system classique est un système qui crée des distances, justement, sidérales. Et la réputation, même des célébrités. La célébrité aujourd'hui est construite d'une façon beaucoup plus immersive. Enfin, ça me faisait penser ces remarques aussi. Si je m'en fiche de cette expression, qu'est-ce que ça veut dire une star ? Ça m'emmerde, justement. Elle dit ça m'emmerde, ça me fait penser justement à l'album de Taylor Swift, Reputation, enfin, qui sort, d'ailleurs, elle est sortie le même mois que mon livre aux États-Unis, mais avec un succès un peu... Vous auriez dû faire un partenariat. Un peu plus différent, enfin, un peu mitigé de mon côté par rapport au sien, enfin, mais disons, j'aurais espéré, parfois la réputation, il y a ces effets, disons, qu'on monte l'un avec l'autre, mais enfin, là, ça... C'était vraiment pas le cas. Mais donc, elle, mais ça quand même, c'est un CD que j'ai acheté. Moi, je suis vraiment pas une fan de Taylor Swift, mais ça m'a intéressé pour le travail. Enfin, elle dit pareil. Enfin, elle est gênée d'un côté. Elle dit, la réputation, ça la tue. Il y a un moment dans une de ses chansons où elle dit, non, Taylor Swift n'est pas là parce qu'elle est morte. Enfin, je veux dire, la réputation, c'est tout ce qu'elle a. Et de l'autre côté, c'est ce qui la tue. Enfin, on sait aussi que Romy Schneider, c'est une grande actrice qui a eu aussi fin tragique, une vie assez tragique. Enfin, donc voilà, je pense que le star system, c'était un système construit sur la distance sidérale, l'intouchable, quelque chose qui rentre dans une dimension qui est dans l'autre monde. Et non, ces stars-là sont très différentes, sont des stars immergées. Ça existe encore? Moi, je pense dans la construction de la célébrité est quelque chose qui est de plus en plus, disons, fait partie des stratégies de marketing, etc. Tous ont tous besoin, nous tous avons besoin du fameux quart d'heure de célébrité cité par Andy Warhol. Et, disons, c'est beaucoup plus artisanal. Disons, chacun a accès au quart d'heure des célébrités. La prédiction de Warhol s'est réalisée. On est dans le monde où chacun peut se fabriquer son quart d'heure de célébrité. Donc, dans ce sens, elle est beaucoup plus immergée, immersive. Enfin, c'est difficile d'avoir des réputations, des célébrités. Il y en a, hein, il y en a, mais c'est de quelques personnages, c'est des stratégies de célébrités construites aujourd'hui par rapport à la distance sidérale. Enfin, quelque chose, de, les intouchables. Comme c'était les stars, je pense, à l'époque, au moins jusqu'à Marilyn. Enfin, Marilyn, c'est la première star qui, voilà. Romy Schneider, Marilyn Monroe et Jean-Jacques Rousseau, notre star à nous dans cette émission. Voilà. Le voici qui remonte l'histoire de la réputation, car selon lui, la réputation et même la célébrité dont nous parlons, eh bien, n'ont pas attendu une certaine époque pour advenir. Au contraire, il y a eu importance accordée à la réputation dès lors qu'il y eut société et regard jugé les uns sur les autres. Écoutez cet extrait du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. À force de se voir, on ne peut plus se passer de se voir encore. Un sentiment tendre et doux s'insinue dans l'âme et par la moindre opposition devient une fureur impétueuse. La jalousie s'éveille avec l'amour. La discorde triomphe, et la plus douce des passions reçoit des sacrifices de sang humain. À mesure que les idées et les sentiments se succèdent, que l'esprit et le cœur s'exercent, le genre humain continue à s'apprivoiser. Les liaisons s'étendent et les liens se resserrent. On s'accoutuma à s'assembler devant les cabanes ou autour d'un grand arbre. Le chant et la danse, vrais enfants de l'amour et du loisir, devinrent l'amusement, ou plutôt l'occupation des hommes et des femmes oisifs et attroupés. Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent devint le plus considéré. Et ce fut là le premier pas vers l'inégalité, et vers le vice en même temps. De ces premières préférences naquirent d'un côté la vanité et le mépris, de l'autre la honte et l'envie, et la fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l'innocence. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous essayons de créer de nouveaux algorithmes ici en proposant au comédien Lise Moon de lire ce texte de Jean-Jacques Rousseau. On a voulu voir l'impact, pour reprendre votre vocabulaire, Gloria Origi, ouais, que cette expérience aurait sur sa carrière et sur la nôtre. On vous tiendra évidemment au courant de ce nouvel algorithme. Le texte de Rousseau dit quelque chose d'intéressant et nous permet de préciser ce que vous entendez par réputation. Parce que c'est ça, en fait, qui naît en premier. Dès que les hommes vivent ensemble, ils se jugent, ils ont peur du regard d'autrui, ils accordent de l'importance à la réputation. Absolument, c'est un texte fondamental. Je trouve, c'est très beau d'ailleurs, parce que c'est ça. La réputation est une grandeur positionnelle. Lorsque je vous disais tout à l'heure, voilà la naissance chez Rousseau de mon homme comparatif. L'homo comparativus naît, disons, dans la modernité avec l'homo economicus, enfin, qui a été après les grands protagonistes. Et maintenant, on voit l'homo comparativus dont Rousseau parle déjà, enfin, qui réémerge. Enfin, donc ça veut dire que c'est des exigences, et des dispositions de l'esprit humain et de la façon d'organiser les sociétés qui sont là du début. Enfin, le besoin positionnel, le besoin de se comparer est un besoin probablement qui est là du début, enfin des origines. De l'autre côté, je pense fermement que chaque institutionnalisation de la société rend certains traits de notre nature plus visibles par rapport à d'autres. Donc, nous sommes rentrés dans une ère de la réputation, de l'homo comparativus, si vous voulez, et qui est-ce qui en fait les frais, c'est un peu l'homo economicus. Enfin, on se rend compte que cette espèce de surplus de comparaison devient ce qu'on recherche, plus encore que l'argent, enfin, ou bien ça va avec, mais disons, ça devient une dimension dans laquelle on ne s'échappe plus de ça. Et même si les deux pulsions, probablement, étaient là du début, disons, le Gordon Gekko, pour dire justement un personnage de Wall Street, un peu ma génération, enfin, ça fait un peu vieux, probablement, mais le Gordon Gekko d'aujourd'hui, c'est quelqu'un plutôt qui cherche à avoir le plus possible de popularité sur les réseaux sociaux, enfin, d'accumuler ce type de capital. Donc, si vous voulez, voulez, Rousseau montre très bien aussi dans ce passage à quel point cet échange des regards est important pour structurer la société. Ça veut dire il faut qu'on soit regardé par les autres. Il faut, à un certain moment, on sort des cabanes, on commence à jouer, à danser, et le regard des autres change tout. Et ce regard est toujours triangulaire. Là, c'est vraiment une espèce de, c'est une intuition, disons, qui est très présente, par exemple, chez René Girard, enfin, dans Les désirs mimétiques. Enfin, on, pour Girard, on désire le désir de l'autre, donc on est toujours dans cette relation triangulaire. Et c'est ce que j'ai dit, et je pense que Rousseau le dit déjà, ce n'est pas seulement les désirs, mais c'est aussi, on arrive à connaître ce que l'autre connaît. Enfin, on évalue ce que l'autre évalue. Donc il y a pas seulement un rapport compliqué d'un désir pour le désir de l'autre, mais il y a aussi un rapport, disons, si vous voulez, plus simple, un mécanisme qui nous fait évaluer positivement ce que les personnes que nous évaluons positivement évoluent positivement. Donc, vous voyez, il y a le même aspect mimétique que chez Girard, mais qui nous sert vraiment comme stratégie de évaluation du monde social et des positionnements du monde social. Enfin, ça veut dire, ça nous permet de faire monter, de faire descendre, donc créer le paysage social qui ne touche pas seulement aux personnes, mais même aux connaissances, même aux morceaux, au contenu, même aux idées. Il y a des idées qui montent, des idées qui descendent. Il y a un morceau de Rousseau que ce matin a remonté d'un magma culturel qui pourrait faire tout perdre, voilà, tout disparaître. Et donc voilà. Et donc tous ces poids sont, disons, tout ce travail, disons, de comparaison, d'évaluation, de positionnement qu'on fait par rapport à la possibilité de jouer sur la réputation, ça fait partie de notre construction non seulement de la vie sociale, mais aussi de la vie des idées, de la vie culturelle, de tous les jours, enfin. Et du rapport que nous entretenons avec nous-mêmes. Il faut quand même préciser que dans le texte de Rousseau, donc dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui est un titre à rallonge, qu'on doit se dire en entier, qui date de 1755, celui-ci propose une histoire fictive de la naissance du regard d'autrui sur soi. Il essaye de remonter aux origines de la constitution même de la société. Et il y a un parti pris. Non seulement ce n'est pas réel, c'est une histoire fictive, mais ça, il est bien d'accord pour le reconnaître. Mais il y a aussi l'idée que est responsable de ce regard, de cette importance accordée au regard d'autrui, ce qu'il appelle l'amour propre, et qui naît dès lors que l'homme entre en société. L'amour de soi se convertit en amour propre. Si bien que ce que ce texte et ce que Rousseau véhicule comme conception de soi est double. Il y a l'idée que nous avons un moi authentique, sain, qui est bien plus important que le moi dévalué qui apparaît en société. Et est-ce que toute l'importance accordée à la réputation et plus tard à la popularité ne vient pas de l'idée que le moi extérieur serait plus important que le moi intérieur, qu'il faudrait le déplorer? Est-ce qu'on n'est pas rousseauiste quand on se plaint de l'importance de la popularité aujourd'hui? Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est l'aspect intéressant sur lequel je ne suis vraiment pas d'accord avec Rousseau. Enfin, c'est cette distinction, si vous voulez, romantique. C'est le mensonge romantique, si vous voulez, par excellence, d'un moi authentique et d'un moi inauthentique. C'est que ce que, disons, l'âge de la réputation, disons, notre post-modernité, celle où on se retrouve, montre très bien, c'est que cette distinction est impossible, est intenable. C'est un mythe, c'est un mythe nostalgique, c'est une nostalgie d'un nous-mêmes, d'un moi qui n'existe pas. Ce moi authentique qui est perverti par le positionnement et l'évaluation et la construction de tous ces miroirs réputationnels qui créent notre moi social, n'existe pas. C'est une fiction, des grandes fictions philosophiques, littéraires, toute la grande littérature romantique est basée sur ça, jusqu'à l'existentialisme, une espèce de nostalgie de quelque chose qui n'a jamais été là. Depuis les débuts de notre existence, nous construisons comme un animal qui construit sa coquille en même temps qu'il grandit, donc d'une façon beaucoup plus organique, nous construisons cette espèce de égo social partie, disons, constitutive de ce que nous sommes. On peut pas vraiment, on ne peut pas vraiment séparer notre moi social et notre moi plus intime. Enfin. Et c'est ça, disons, la morale aussi de mon livre. Nous sommes ce que les autres disent de nous. C'est très désagréable, enfin, mais c'est bienvenu dans l'âge de la réputation. On peut même aller encore plus loin avec le philosophe Clément Rosset et le réalisateur Iñárritu. Le premier, Clément Rosset, affirme que s'il y a une distinction entre l'identité personnelle et l'identité sociale à faire, eh bien, tenons-la, mais disons que c'est l'identité sociale qui apporte plus que l'identité personnelle. Vous allez entendre le texte ensuite, quelques lignes de Clément Rosset, et puis ensuite un extrait du film Birdman d'Iñárritu, dans lequel le personnage principal, que vous nous présenterez ensuite, Gloria Origi, mais ce personnage principal est en pleine dispute avec son double, Birdman, qui est un super-héros qu'il a incarné au cinéma et qui revient le hanter. Cette duplicité de l'identité, eh bien peut-être au sein de celle-ci se trouve, se loge la clé de l'énigme de la popularité. Écoutez donc Clément Rosset, puis Iñárritu. Le sens commun admet d'emblée et comme allant de soi une différence entre l'identité sociale et l'identité personnelle. J'ai toujours tenu l'identité sociale pour la seule identité réelle, et l'autre, la prétendue identité personnelle, pour une illusion totale autant que tenace, puisqu'elle est tenue par le plus grand nombre pour être au contraire la seule identité réelle, suivant ici plutôt le sentiment de Rousseau dont la raison a achevé de se perdre dans la recherche éperdue de cette identité fantomatique. You really fucked up this time. You destroyed a genius book with that infantile adaptation. Now you're about to destroy what's left of your career. Cette fois, tu as battu tous les records. Tu as gâché un livre génial avec ton adaptation à l'aube rose. Et maintenant, tu vas foutre en l'air ce qui reste de ta carrière. C'est pathétique. J'inspire, je me calme. Allez, viens, on se tire d'ici avant qu'il soit trop tard. J'ignore cette image mentale. C'est une image mentale. Dis pas de conneries. Ce n'est qu'une image. Je suis pas une image mentale, je suis toi, connard. Fous-moi la paix. Tu étais une star, tu t'en souviens ? Prétentieux, mais heureux. Non, moi j'étais pas idiot, heureux. Idiot, mais charmant. Maintenant, t'es plus qu'un petit complet d'amertume. Complètement désespéré. Complètement désespéré. Tu parles d'un désespoir de façade, d'un désespoir hollywoodien. Qu'est-ce que tu veux prouver ? Que t'es un artiste ? T'es pas un artiste. Je t'emmerde ! Moi, je t'emmerde. Trouillard, on a fait des milliards. C'est de ça que tu as honte ? Des milliards. Des milliards de mouches bouffent de la merde tous les jours. Qu'est-ce qu'on en a branlé ? Je sais pas si tu sais, mais c'était en 1992. Tu pourrais le renfiler direct, ce costume, si tu voulais. On n'est pas mort. Tu peux regarder. Regarde ça, regarde. On dirait un dindon qui a une leucémie. Je suis en train de disparaître. C'est tout ce qui reste de moi. Je suis plus qu'une question de divertissement. Au trivial poursuite. Ici, t'es un imposteur. Tu finiras par être démasqué. Comment je peux te le dire ? T'existes plus. Et nous ne sommes pas morts. Mais c'est pas ressuscité. Nous ne sommes pas morts. Arrête de dire nous. Il n'y a pas de nous. Je suis pas toi. Je m'appelle Regan Thompson. Non, tu t'appelles Birdman. Sans moi, tout ce qu'il reste de toi, c'est un acteur médiocre, triste et égoïste, qui essaie de ramasser les dernières miettes de sa gloire passée. Gloria Origi, jusqu'où faut-il prendre Clément Rosset au sérieux lorsqu'il affirme qu'il a toujours tenu l'identité sociale pour étant la seule identité réelle ? Parce que le film de Birdman laisse penser qu'au contraire, c'est parce que c'est la course à la célébrité qui fait que Regan Thompson se noie dans son double, que celui-ci vient le hanter. Il y a une position peut-être un peu rousseauiste, hein, là quand même, d'une condamnation de soi quand il y a une course trop importante à la célébrité. Si la seule identité, c'est l'identité sociale, alors il suffit de l'accepter, il n'y a plus de problème, on fait le deuil d'une identité personnelle. Mais Regan Thompson, si vous voulez, moi j'adorais ce film. Je pense que c'est un film que j'ai vu 4 ou 5 fois parce que c'était comme une espèce de concentré manuel sur toutes les formes de la reconnaissance, de la réputation, toutes les figures possibles sont là. Donc lui, cet acteur qui était rendu hyper célèbre par un rôle de super-héros, Birdman, et maintenant il se relançait sur un autre disons, marché de la réputation, qui est le marché de la haute culture, enfin Broadway, le théâtre sérieux avec une pièce de Raymond Carver, et donc un public, disons, qu'il aurait jamais pu atteindre avec son personnage Birdman, mais cette autre réputation le hante, enfin cette autre identité sociale le hante. Il est là et dit, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder pour 100 spectateurs et une critique sur le New York Times lorsque tu peux avoir les milliers, les milliers. Là, on revient aux distinctions que j'ai proposé au début entre réputation, célébrité, popularité, autorité. Enfin, on cherche tous à se construire une réputation qui est de la résonance là par rapport aux personnes qui comptent pour nous d'une qui certaine dit façon. Quoi de qui? Voilà, exactement pareil. Donc en fait, on peut avoir et puis on ajuste beaucoup. Enfin là, on essaye d'avoir bonne réputation dans un certain milieu. On n'y arrive pas. On commencera à dire peut-être à corriger d'abord avoir une espèce de anxiété proustienne de ne pas être accepté de l'autre côté, ou bien on peut commencer à développer du ressentiment, disant mais c'est qui ces gens qui ne veulent pas de moi, ils sont pas bons, ils sont pas assez bons pour moi, donc plutôt une autre stratégie de correction. Mais enfin on ajuste tous enfin par rapport à chez qui nous voulons avoir bonne réputation, enfin. Et donc, lui, il est hanté, parce que justement, il est, le Birdman lui renvoie sa popularité. Là, ce qu'il cherche d'obtenir, c'est cherche d'obtenir une certaine, plutôt autorité, par exemple. Autorité culturelle, ça veut dire avoir un compte-rendu sur le New York Times par la critique qui compte. Voilà, donc là, c'est une stratégie dans toute carrière intellectuelle. Vous faites des stratégies de ce type. Enfin, si vous voulez, il y a des livres qu'on consomme à grande quantité, mais qui ne restent pas. Il y a des livres que, justement, Kafka avait écrit. J'ai vu que mon livre a vendu 10 exemplaires. Et je me demande qui est, étant donné que j'en ai acheté 9, qui est la personne qui a acheté l'exemplaire. Et puis c'est Kafka. Donc là, les stratégies par rapport, par exemple, à la temporalité, à qui vous lira dans le futur, sont des stratégies qui sont très complexes, qui créent énormément d'anxiété et aussi, si vous voulez, d'insatisfaction, enfin, parce qu'on voit, nous tous, enfin, moi comprise, enfin, on voit plein de gens qui sont capables d'écrire un livre tous les 6 mois et et donc être partout à parler des choses qui disparaissent 3 minutes après. Et puis on peut avoir des stratégies plus à long terme, par exemple écrire des livres qui restent un peu plus, enfin un peu plus que 2 semaines, enfin. Et donc voilà, donc Birdman est tiraillé par Regan Thompson, est tiraillé par toutes ces stratégies. Donc il cède pas, quand vous dites il cède pas à son moi social, mais il est en train de construire son moi social. Il est là, enfin, quand je dis mais il le valorise plus que son moi personnel. Et donc justement, mais le moi social est le fruit d'une stratégie. Le moi social est le fruit d'une stratégie. Donc ces stratégies, il a des stratégies qui sont en contradiction, qui tombe dans une cacophonie de figures de la reconnaissance dans lesquelles il n'arrive plus à se retrouver. Et ce qui est bien d'ailleurs parmi tout ça, enfin parmi toutes ces figures, il y a aussi un certain moment, il se retrouve tout nu dans la rue. Il doit parce que je sais pas, il a oublié ses vêtements quelque part dans une situation embarrassante. Donc il fait quand même un morceau d'une avenue new-yorkaise tout nu. Il est terriblement embarrassé et en fait sa fille voit tout de suite, sa fille, autre génération, voit tout de suite que sur Facebook, la petite vidéo que quelqu'un a fait de Regan Thompson qui se promène tout nu a eu, voilà, en quelques minutes, 5 000 vues. Et donc, voilà, donc encore une autre forme de la popularité, de la réputation qui émerge, qui lui, il ne contrôle pas. Donc, il est vraiment, si vous voulez, une figure, un héros, un peu caricatural du sentiment vraiment de espèce de désorientation qui nous donne la gestion de cette image sociale et de cet ego social. Enfin, c'est quelque chose qui nous donne une grande angoisse à tous, parce qu'on n'en a pas les moyens, parce qu'on a été éduqué dans cette be yourself, sois toi-même, et non. Ce qui ne veut rien dire. Ça veut rien dire, enfin, si tu es toi-même, on ne sait pas trop ce que tu es, enfin, je sais pas. Être est être. Plusieurs déjà, peut-être reconnaître qu'on est plusieurs. Être est être, disons, évalué dans un réseau social complexe, enfin. L'exemple que vous positionner, prenez, ouais, si vous voulez l'exemple peut-être que... c'est un peu fort, mais positionner dans un réseau social complexe, c'est comme ça qu'on donne sens à nous-mêmes. Et je veux dire, bien sûr qu'il y a de la, on peut avoir des situations où tout ça, ça nous met énormément mal à l'aise. Par exemple, être reconnu pour ce qu'on n'est pas. Ça nous arrive d'être reconnu pour quelque chose qu'on n'est pas. Et ou n'être pas reconnu pour ce qu'on pensait devoir mériter, etc. Et là, je pense que justement, là, il y a une figure encore comme la gloire qui m'est très chère, ce qui est exactement ça. Il y a des moments de la vie où enfin on est reconnu pour ce qu'on voulait être. Donc l'image, disons, tout ce complexe investissement dans la construction de nous-mêmes va avec ce que les autres voient. C'est très rare. C'est très rare. Être vu à sa juste valeur. Voilà, c'est très très rare. C'est ce qui arrive au personnage du roman de Fitzgerald, Gatsby, voilà. Le magnifique. Je suis Gatsby, dit-il soudain. Quoi ? M'exclamai-je. Oh, je vous demande pardon. Bah, je pensais que vous le saviez, mon vieux. J'ai bien peur d'être un médiocre maître de maison. Il eut un sourire de compréhension. Où il y avait bien plus que de la compréhension. C'était un de ces sourires rares qui ont le don de vous rassurer à jamais, et qu'il arrive que l'on rencontre 4 ou 5 fois dans une vie. Il se portait, ou semblait se porter, un instant sur le monde extérieur tout entier, puis se concentrait sur vous seul, avec un irrésistible préjugé en votre faveur. Il vous comprenait dans la mesure exacte où vous vouliez être compris. Croyez en vous, comme vous auriez aimé croire en vous-même, et vous assurer qu'il avait exactement de vous le sentiment que vous souhaitiez, au meilleur de vous-même, donné à autrui. À cet instant précis, il s'évanouissait, et j'avais devant moi un jeune rustre élégant, un peu au-dessus de la trentaine, dont le langage recherché et gourmet frisait le ridicule. Avant même qu'il se fût présenté, j'avais été vivement frappé par le soin avec lequel il choisissait ses mots. Un de ces rares sourires qui ont le don de vous rassurer à jamais, c'est dans Gatsby le Magnifique qu'on le trouve, et c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie, que vous venez de l'entendre, hein, la rencontre entre le narrateur Nick Carraway et Gatsby le Magnifique. C'est vous qui aviez suggéré ce texte, Gloria Origi. Oui, Gatsby est un protagoniste caché avec d'autres de mon livre sur la réputation. Enfin, c'est un livre qui m'a énormément inspiré, et si vous voulez, c'est ça que j'utilise, ce morceau très beau que vous venez de faire lire, c'est ça que j'utiliserai comme définition de l'authenticité. Contre cette idée que l'authenticité, c'est une dimension solitaire, qu'elle se moit, voilà, cachée et séparée du monde. L'authenticité, c'est exactement ça. C'est être reconnu comme on voulait être reconnu. De sorte que c'est la rencontre rare et magique entre l'image qu'on a construit de nous-mêmes et ce que les autres voient dans nous. Dans la plupart des cas, ça marche pas. Enfin, on pense lancer des signaux, même quand on utilise de cette façon très, comme je disais, très, très naïve, les réseaux sociaux, mais notre parole, notre façon de nous habiller. Enfin, on pense lancer des signaux linéaires, enfin, que ça va. Et ça, c'est vraiment, j'ai un message, je lance un signal pour donner une certaine image de moi-même. Et puis, ce qui revient, c'est complètement brouillé. Enfin, c'est pas ce que je voulais. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça. Et la vie, c'est un long ajustement. Enfin, on apprend, c'est vraiment, on apprend à comprendre que lorsque je parle, je peux parler de réputation, je peux dire que je suis directrice de recherche au CNRS. C'est la première chose que votre public va repérer, c'est laquelle? que je ne suis pas française, par exemple. Donc voilà. Donc ça. À la radio, oui, parce qu'on entend la voix. Écoutez, mais même voilà. Donc je veux dire. Donc par exemple, c'est des signaux qu'on lance et on n'en a pas le contrôle. Sur ça, malheureusement, j'ai pas le contrôle. Enfin, donc ça m'arrive parfois. Et moi, je préfère beaucoup plus la radio que la télé, parce que la télé, il y a d'autres signaux, par exemple, l'aspect physique, etc., qu'on lance sans vouloir. Enfin, ça m'est arrivé là aussi. Et puis, vous recevez des messages, des choses, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont vu de moi, enfin, au lieu de m'écouter, par exemple. Et cette espèce de malentendu permanent, mais c'est d'un côté, on peut dire, justement, on s'échappe dans la nature et on est, justement, rousseauvienne et romantique. Mais moi, je pense que cette espèce de malentendu permanent, c'est l'aspect caricatural et tendre de l'existence. Enfin, on est content, on se tragique, mais c'est tragique un peu, si vous voulez. Mais pas au sens dramatique. On pas au sens dramatique. Pas enfin, on n'a pas d'issue. Et donc, on fait avec, on s'arrange, on ajuste, on se trompe, on fait des gaffes, on a très souvent, on lance des. Et là, Carroway, Gatsby est tout un livre sur la réputation. Enfin, ce type ne vient de nulle part, mais il est dans le éclat, billionnaire. Donc dans le show-off, il invite que des célébrités, mais l'argent, on a du gossip sur lui. Enfin, on a des rumeurs. On dit qu'il était ami du Kaiser. On dit qu'il a tué quelqu'un. On dit l'un des plus beaux que j'utilise beaucoup dans les livres. Enfin, on dit qu'il a étudié à Oxford. Alors surtout dans les films, le deuxième film, le premier c'était Robert Redford, le film plus récent, enfin c'est Leonardo DiCaprio. Alors étant donné moi, tant que étrangère, une émigrée, je suis sensible, très sensible aux langues, aux accents. Leonardo DiCaprio, clairement, il a un accent, il est un Gatsby parfait parce que quelqu'un comme ça ne peut pas avoir étudié à Oxford. Si vous avez passé 3 minutes de votre vie à Oxford, vous savez que you can't fake it. On peut pas faire semblant d'avoir étudié à Oxford. Et donc, Tom Buchanan, qui est là aussi dans une des figures de miroir, comme toujours, et dans la réputation et des désirs mimétiques. Gatsby aime Daisy, qui est la femme de Tom Buchanan, parce que Tom Buchanan est le riche, bon chic, bon gendre américain. Tout ce qu'il pourra jamais être, enfin, Tom Buchanan, quand on lui dit, on dit qu'il a étudié à Oxford, il répond, oui, Oxford, New Mexico, enfin, c'est pas. Et justement, donc Gatsby, il y a tout ça dans Gatsby. Et de l'autre côté, une espèce de besoin de vérité, de besoin d'authenticité qu'il ne retrouve que avec ce rapport avec Nick Carraway, donc de se voir l'un l'autre comme ce qu'on veut être. C'est très rare. C'est-à-dire qu'avant, le regard que décrivait Rousseau, qui est le regard presque inquisiteur, qui juge, qui scrute, qui crée l'inégalité, disait Rousseau, est aussi celui qui, chez Fitzgerald et dans Gatsby, peut sauver. Oui. Parce que cette coïncidence avec soi, cette impossible coïncidence avec soi dont vous parliez à l'instant, le fait qu'on renvoie sans cesse des signaux qui nous échappent et qui attirent l'attention sur autre chose que l'endroit où on voudrait la mettre, eh bien elle est résolue quand on rencontre un sourire comme celui-ci, un regard comme celui-ci. Exactement. Donc autrui est aussi une solution pour nous, exactement, ou un apaisement. Enfin, exactement, justement, qui nous sommes, notre moi authentique, mais c'est quelque chose qu'on construit en société, qu'on construit à plus. Donc, ce n'est pas. Il n'y a pas de voie de sortie. Il n'y a pas. On peut pas. Il n'y a pas un lieu où on est tout seul. Enfin, il n'y a pas un lieu où notre moi social ne joue pas un rôle. Donc, justement, on est tous très très maladroits dans notre construction de nous-mêmes. Mais lorsqu'on pense, enfin, que il y a justement un moi social et puis une intimité. Prenez la notion d'intimité, qui est une notion bien profonde. Mmh. Aujourd'hui, une des plus grandes invasions, par exemple, des réseaux sociaux, c'est l'invasion de notre intimité. Non, par exemple, du marketing ciblé, de stratégie de marketing qu'on dit de deep learning. Donc, on vous envoie à vous un message, un publicitaire particulier parce qu'on connaît vos comportements. Donc, c'est des comportements clairement sociaux, mais qui créent ce nuage, disons, de votre image sociale, crée votre intimité. Ça veut dire l'ensemble de choix que vous faites quand vous achetez des choses sur Internet, vous faites certaines actions, vous pensez. Donc, nos actions sociales sont aussi ce qui crée ce qu'on considère intime. Enfin, notre autobiographie, c'est l'œuvre la plus intime, si vous voulez, de nous-mêmes. Elle est éminemment sociale, à la limite, enfin, c'est un genre littéraire, donc clairement c'est quelque chose de social. Donc même l'intimité, qui est la notion, vous pourrez dire, enfin, c'est que moi, enfin, c'est construite dans l'espace social, enfin. On viole mon intimité maintenant, on abuse, enfin, il y a des intrusions. Moi, je suis la première à les dénoncer, par exemple, des intrusions dans notre intimité par des stratégies de marketing, justement, les marketing ciblés, c'est très intrusif. Enfin, vous trouvez sur votre boîte mail plein de choses qui ne vous intéressent pas parce que vous avez écrit les mots, je ne sais pas, Toulouse dans un message, 35 000 pubs sur les voyages à Toulouse. Bah, c'est une violation de mon intimité, mais ce message, c'était un message public. Donc l'intimité est une construction. L'intimité, c'est une série d'actes. C'est ce que dit Gatsby d'ailleurs. Voilà. L'une des phrases du roman de qu'est-ce qu'une une autobiographie. Enfin, c'est une série d'actes qui ont du succès en interrompu. Enfin, parce que c'est ça qu'on enregistre, qu'on mettra l'un après l'autre pour donner un sens, de construire une narration de nous-mêmes. Donc, l'intimité même est une narration de nous-mêmes. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'elle est un objet éminemment culturel, social, artificiel dans le bon sens du terme. Enfin, disons, ce n'est pas que tout ce qui est artificiel, c'est mauvais, c'est les usages de l'artificiel qui sont mauvais. Le récit, en tout cas, que vous nous avez proposé de la réputation, qui dit quoi de qui dans votre livre, et puis aujourd'hui à ce micro, était aussi une succession de succès. Je vous le dis, après ce sera aux auditeurs de juger. Bah, écoutez, ce sera le dernier jugement. C'est ce qui est intéressant de la réputation, quand même, pour vous consoler, c'est que ça peut encore changer lorsqu'on est mort. Enfin, donc, et là, c'est vrai, on ne maîtrise pas la postérité. Donc on a encore la postérité qui peut nous faire du bien. Merci à vous, Gloria Origi. Merci. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me drink. Dive bar on the east side, where you at? Falling lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Look at you, oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Cause I like you. This ain't for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me dream. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Et oui, Taylor Swift, Reputation sur France Culture. Il en a été question aujourd'hui avec Gloria Origi. C'est donc pour vous, chers auditeurs, ce cadeau. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une tribune parue il y a une semaine dans Le Monde que j'ai découverte hier. Cette tribune est signée par Eliane Viennot, linguiste et historienne, professeure émérite de littérature française de la Renaissance à l'Université Jean Monnet Saint-Étienne. Partisane de l'écriture inclusive et de l'abandon de la règle qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin, Eliane Viennot s'attaque dans ce papier à la règle d'accord des participes passés employés avec le verbe « avoir ». Je rappelle en deux mots la règle. Avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé devant le verbe. Dans la phrase « les livres qu'elles ont achetés sont intéressants », « acheter » s'écrit « es ». Elles ont acheté quoi ? Les livres, masculin pluriel. Le participe passé s'accorde donc avec le complément d'objet direct et non avec le sujet. Je le dis d'ailleurs sans rougir, il m'arrive souvent de m'arrêter en plein milieu de la rédaction d'une phrase et de me demander frénétiquement à voix haute « qui, quoi ?» pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors que la règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin a été introduite au XVIIe siècle et qu'elle a apparemment été continuellement ignorée par bon nombre de lettrés jusqu'à la fin du XIXe, la règle d'accord des participes passés employés avec le verbe « avoir » est plus ancienne. Elle a été théorisée par Clément Marot au XVIe siècle, qui a voulu transposer en français cet usage italien qu'il avait entendu lors d'un de ses voyages. Eliane Viennot ajoute qu'en italien, ces accords s'entendent. Du reste, elle note qu'ils s'entendent aussi en français, mais seulement pour les verbes du troisième groupe. Par exemple, « je l'ai pris »,« je l'ai prise ». Pour tous les autres verbes, la différence ne se fait qu'à l'écrit. Au cours du XVIIIe siècle, cette règle, qui ne concernait d'abord que l'accord des participes passés avec l'auxiliaire « avoir », s'est étendue aux verbes pronominaux, qui pourtant se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». Là, effectivement, nous rentrons dans le dur et il faut à chaque fois prendre un petit moment pour être sûr de ne pas se tromper. C'est à cette complexité qu'Eliane Viennot s'attaque, jugeant qu'elle est antidémocratique et inutile. Antidémocratique d'abord, car cette complexité crée un gap entre ceux qui n'ont pas assimilé la règle et ceux qui l'ont assimilée. Tandis que les premiers sont renvoyés au fait qu'ils sont nuls, les seconds retirent une espèce de sentiment de supériorité. La règle participerait même, selon Eliane Viennot, à l'insécurité linguistique dont souffrent beaucoup de francophones et qui pousserait de moins en moins de personnes à vouloir apprendre le français. La dramatisation me paraît tout de même un brin excessive. Et supprimer une règle parce qu'elle est compliquée, c'est accepter sans sourciller le nivellement par le bas. Mais bon, même si je suis contre, l'argument reste audible. En revanche, le second argument, selon lequel la règle est inutile, me paraît relever d'une maladie de l'époque. Dans une langue, les règles ne sont pas utiles ou inutiles. Ce sont des règles. Elles témoignent toujours d'une histoire. Les langues changent, bien sûr. Parfois, elles précèdent les consciences. Parfois, elles les accompagnent. Parfois même, elles charrient longtemps des archaïsmes. Mais cette injonction à la simplicité et à l'utilité, qui ne touche d'ailleurs pas que le français, est regrettable. C'est ce même argument de l'utilité et de l'inutilité qui a prévalu lorsqu'il a été question de supprimer le latin et le grec à l'école. Pensez-y une seconde, on aurait pu être privé d'une des plus belles chansons de Jacques Brel, pour ne pas dire plus généralement de la chanson française. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Isis Jourda, Sharon Houry, Anaïs Isbert. C'était Lise Combe et Philippe Baudouin à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son aujourd'hui, Élise Moon à la lecture des textes. On se retrouve demain pour conclure notre série populaire en compagnie de l'essayiste Alexandre de Vitry. Nous parlerons de Charles Baudelaire et de Philippe Muret, entre autres, ces écrivains qui se croient parfois au-dessus